même si on a droit à quelques excuses que ce soit pour le saccage hérité de la matière vivante sur cette planète. On ne sait plus où se mettre, nous autres de la France. Une fois de plus, on fait ce qui nous arrange. Il fallait qu'on vous le dise, c'est dit, c'est fait. Si nous passions maintenant à toute autre chose, soyons plus positifs, rien ne sert d'être trop triste. Au contraire, bien au contraire. Normal. Tout à fait normal, monsieur. Nous n'avons rien mis en place. Nous n'avons rien expliqué. C'est le début de l'émission. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Il faut avant tout une préparation. Un début de narrativité. C'est commencé? Oui, c'est commencé. Madame Tremblay, 89.1. 89. T'as-tu ta radio, toi? Je vais l'acheter à Raymond. Ah, mon Dieu, j'ai pas de radio là-dessus, là. C'est un séchoir. Ben, voyons donc, toi, c'est pas une radio, ça. Ben, je sais pas, il y a froid, il y a chaud. Chaud, c'est quoi, elle, ça? Ben, c'est RRA, ben, c'est l'émission RRA, c'est quoi? Il nous a prêté sa carte, il donne à rien, il lui prête, parce que il dit qu'on lui doit tout, puis il n'y a rien. Que doit-on faire de ce temps où il est parti, et tout ce temps qu'il m'a dit faire? Hey, t'as-tu sa carte? Oui, ok, attends, c'est ouais. Comment on s'étonnait ça là-dessus? Ben, c'est pas une... On aimerait bien ça, mais c'est pas une radio! C'est quoi? C'est un séchoir! Je me suis fait avoir, moi, là. Ah, il m'a dit, tu as juste à l'ouvrir, c'est syntonisé, ils ont vendu ça à 1 million d'exemplaires au Japon. Voyons, là, c'est KRL au Japon. Ben oui, écoute ça au Japon. Diane Dufresne au Japon, c'est une championne. Les Rousses Enchantées le dimanche, là, au Japon, là, c'est écouté par des centaines de millions de Japonais en mangeant leur riz. Là, ça ose même pas un rictus, là, ça bouffe, puis là, ça comprend, parce que c'est des gens qui sont très évolués, contrairement à nous, là. Et nous, on a de la misère à comprendre l'anglais, mais ben, moi, personnellement, là, je veux rien savoir de cette langue étrangère qui m'amène à des cauchemars internes et des pustules incroyablement intenses, là. C'est dégueulasse, hein? Oui, c'est l'anglais. OK. Sinon, les Asiatiques. Bon, de là-bas, ont des radios totalement prêts à syntoniser ces QRL. Ils ont fait des. Vous avez vu ça au reportage hier au soir, là? 3 usines ont été ouvertes pour faire des radios CKRLiennes. Ils vont faire 3 millions de radios par semaine, imaginez-vous. Ça nous fait des milliards d'auditeurs. Alors bonjour à vous. On va parler un peu chinois pour les... Non, mais écoute. Hein? donc, en parlant de... Ben, en fait, en parlant le japonais, c'est eux qui nous ont amené un disque dur amovible pour les portables qui s'appelle le Rikiki. Pour les gens qui ne connaissent pas le Rikiki, à part d'être un disque dur, qu'est-ce qu'un disque dur pour les néophytes, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, Monsieur Lachance? Et moi, dans mon temps, là, moi, je suis né, moi, là. Ben oui! Excusez-moi si c'est parce que je perds ma prothèse, hein, avec la suction fait rentrer l'air, puis ramène le dentier vers le haut, ça le colle, c'est une colle, hein, mais ça le colle, pas de colle. Il n'y a pas de colle, c'est juste l'inspiration, ça enlève tout l'air. Ça m'a bien l'air que ça s'enlèvera plus, ça, là. Ça risque d'être permanent et j'en suis très heureux. Je vais pouvoir manger mon steak sans l'enlever. Enlever votre steak? Non, ma prothèse. Mais là, moi, écoute, je suis né en 1903. Tu me dis, non, j'ai dit en 1920, je m'en suis même plus en 1920, 1900. En tout cas, je suis né en 1900. Dans ce temps-là, il n'y avait même pas de radio, il n'y avait rien. On était en train d'inventer, c'est quoi, réel? Arrête donc, ben oui, OK. Puis là, ben avant ça, avant même d'inventer cette merveilleuse radio que l'on aime et que l'on écoute régulièrement, l'ordinateur, c'est parce que là, j'ai essayé de trouver le fil. Allô, le fil? Non, il est pas là. Il est parti où? Il reviendra plus. S'est fait frapper par le kiri-kiri-kiri-kiki, par le kiri-kiki-kiri-kiki. Le petit singe, bien, il paraît que c'est un pansé. Il faut y penser pour trouver ça, hein, Rikiki. Tu t'en vas chez ton concessionnaire d'appareils électroniques, tu dis. Salut, mon ami. Moi, je suis Bernie. Je suis burné partout. Regarde-moi ça. Burné dans le nez, burné partout, burné. T'en veux-tu, je suis burné dans le nez, moi? En échange de Rikiki, moi, je te burne dans le nez, moi. Facile, moi. Tu me dis ce que tu veux comme initial, tu vas t'écrire ça sur le nez. T'as un gros nez, en plus, moi, t'as, trois exemplaires en trilogie. Pour la première fois, moi, faire ça en trois dimensions, moi. En fait, moi, te raconter un peu, la première dimension, c'est avec mon crayon magique. Après ça, on te frappe sur le nez à plusieurs reprises, il va gonfler. Deuxième dimension. Après ça, c'est au visage. Tu vas voir entrer. Fait que trois dimensions. C'est violent, hein? On va te faire ça gratis. Il y a mes amis qui sont dans l'arrière, là. Leur moto ronronne. Attends-tu ça? J'entends rien. C'est des trottinettes. Toi, de con! Hey, wow! Des trottinettes, toi, mon petit, là. Wow, attention! C'est des trottinettes à moteur, ça, là. T'es même pas capable de courir devant ça, là. Ça va t'écraser, même à deux roues. À deux roues? À deux roues. Ça fait que moi, là, avec mon groupe en arrière, là, on est 350 mâles, gars, on est 350 mâles. Des mâles? Des mâles, des hommes, là. Des bûcherons. On était avant des anciens bûcherons. On était moines tibétains. On était avant ça journalistes. On vient de loin, là. Bon. Et puis, non, parce qu'il y a un autre métier que j'ai voulu dire, mais je vais censurer. OK. Pis là, on vient ici, moi pis ma gang, là, ben, on fait une petite fête entre amis, là, hein, on des motos, le cuir, petite soirée, pis on va avoir des rikikis! 350 rikikis qu'on va tirer au sort, on aimerait ça, là, rentrer ça dans des canons de gigantesques, pis faire exploser 350 rikikis, pis le premier, ben, les gens qui vont les récupérer, Ils sont à teux, ils sont comme à teux. Ben, ils vont les recevoir dessus, boing, boing, et ils vont tomber par terre. Puis ceux qui vont les tenir dans leur petite main tremblante, là, ben, ils vont le mériter quand même. Hein. Ils seront entre la vie et la mort. On va embarquer ça dans les ambulances privées de chez nous, là. Ambulance Angel, en tout cas, Ambulance Angel. Ça va partir sur des 14 roues, nous autres, là, parce que 2 roues, c'est pas assez. 4 roues, c'est encore... Hey, regarde, c'est des gros bonhommes, ça, là. Là. C'est pas des petits... C'est des... Nous autres, on n'écoute pas le... On écoute... C'est ça, nous autres. On est des vrais, là. On va pas voir des danseuses du ventre, là. On va voir des danseuses. Est-ce qu'ils ont des ventes? Ah, ils ont, y a pas juste des ventes, là. Oh, mon Dieu, Là, des Rikiki, comment tu vas me faire ça, mon petit champion numéro un, là, hein? Monsieur? Oui. On n'a pas des Rikiki, hein? On n'a pas des Rikiki! On n'a pas de Rikiki, sous la main. T'aimerais-tu en avoir dans mon choix? Ben, on est vrai, on en a commandé depuis 3 semaines. Ça veut pas rentrer les parce qu'il y a un monsieur à la radio, là. Ouais, quel c'est qui, ça? C'est qui? C'est qui, ça? Non, c'est pas, excuse-moi, c'est pas, oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là? Il fait de la radio. De la radio? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ben, c'est une petite boîte, là. Avec une plein de petites pitounes, et puis avec une rondelle. Avec la rondelle, vous allez à 89.1. Minuit. Errance canadienne. Qu'est-ce que c'est, ça, errance canadienne? Errance. Oui, monsieur, c'est errance, c'est marcher sans aucun but. Moi, t'en comptais un but, moi, dans le pif, tu vas voir, c'est quoi, 3 dimensions, visage? Mais non, monsieur. Soyez calme, restez mou. Je reste dur et je ne suis pas calme. Là, mes Rikiki. Ben, les messieurs, les Rikiki, c'est pas. Le monsieur en a parlé à la radio. Le monsieur. Ben, Rance Rénaldienne. Rance Rénaldienne. Ben, c'est quoi, RL? Oh, mon dos. Ben, on peut pas en avoir. On peut pas en avoir. Non, ben, vous pouvez pas en avoir, mon cher monsieur. C'est au-delà du réel. Oh, mon dos, en dehors de l'état. Je ne pige point. C'est qui ça? C'est-tu le Rikiki? Non, c'est le Kiki errant. Oh, mon dos, le Kiki! Aïe, je ne pige point. Fin de l'improvisation. Hé, hey, c'est pas vrai! Le Rikiki va te savoir, c'est Rikiki! À suivre la semaine prochaine. Est-ce qu'il va mourir? Qui ça? Le Rikiki. Pas le Rikiki, le monsieur qui va avoir des Rikiki, mais que le commis ne peut pas y vendre de Rikiki parce qu'il n'a pas de Rikiki. Ben le Rikiki. 1 litre d'orgie pour toi, ma chérie. 1 litre d'orgie pour toi, ma chérie. 1 litre. Rénal, maintenant, prends ton micro et proclame la bonne décibelle. C'est si beau de voir des décibels. Ça, c'est limite, hein, là, les traductions, ça, c'est limite, hein, monsieur le président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés. Je suis très déçu de ton ouverture. Oh. J'avais demandé à ma couturière que ma fermeture ne soit plus éclair. En fait, qu'elle soit clairement fermée et ne jamais plus s'ouvrir. Elle a fait un très mauvais travail. Elle reste quand même ma très grande amie. Monsieur le Président, messieurs les patrouilles, parce que c'est gratos. C'est ça, des amis. Monsieur le Président, messieurs les patrouilles catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Rénaldienne. La quoi va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Laissons cela ce vendredi. Pourquoi tu dis ça de même? Non, parce que je voulais lire le début, mais je me suis comme... Aïe, je ne pige point. Oui, je le sais, monsieur. Moi, je ne comprends plus. Je me purge l'esprit devant chaque émission afin d'être vierge. Oh, mon dos! Sainte Vierge. Aujourd'hui, le vendredi 11 janvier 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Est-ce que c'est normal que la lecture se fait double? Aïe, je ne pige point. Double? Deux doubles. Attendez, madame, la... Oui, la comment... Oui, commandez-moi. Un double burger. Saignant à froid. Des petits oignons. Des gentils, pas des méchants, moi, parce que je veux pas voir. Ah ouais, t'es un titi! Non, c'est moi, c'est des tis. Des tis. Si ça peut se glisser sous la viande, je serais très apprécié avec le fromage. Vous avez jamais essayé ça, hein? Moi, je mettrais. Attendez, là, on va s'arrêter là pour vous expliquer un petit cours de culinaire offert par votre animateur précaire. Non, c'est. Là, c'est ça vient de m'arriver là dans l'esprit là, ça coule. T'as voyons donc, amène le puisard. Avez-vous la non la on est à gouttière. Au pire, on a la gouttetière ou la chevillère Béra. Non, c'est quoi la, la pissotière? On a la pissotière. Ou la limonière, la limonière. En tout cas, on a des socles pour prendre ce qui descendra en gouttelettes dans les prochaines minutes. Merci. Alors moi, je placerais là une rangée de steak haché. Mince, là, très, très mince, là, en rond. Une rondelle, c'est en rond, hein, d'après moi, là. Pas compliqué, moi, là. Un rond, c'est pas carré, là. Ah, attention, là. Ah, y a donc. Ah, c'est les coins ronds, hein. Rond. Très, très, très plat. Petit, là, gros, la grosseur d'un pain hamburger. Ensuite, je vous placerai, des oignons frits. Non, cru, pas frit, excusez-moi, je me suis frit, cru. Hey, ouais, donc, qui l'a cru, le frit? C'est pas gratuit, là, mais vous mettez une rangée d'oignons crus. Ça voulait fourcher encore, hein? Je sais pas pourquoi je veux dire free, moi. Je veux passer gratuitement. Madame, je sais que je suis au spectacle Bruce Plus. Je sais que je suis au spectacle du grand... du patron. Mais, oui, mais je travaille pour une radio, moi, là. Fait que je paye pas, moi, c'est... Jamais les radios payent, fait que regardez, j'ai ma carte, là, regardez, moi, c'est... Est-ce que vous pouvez lire? Avez-vous une formation? Troisième secondaire, premier doigt, deuxième trou. Bon, OK, troisième trou. Vous pouvez lire, là, CKRL, membre 2013, c'est moi, ça. Rénal Gagné, c'est moi. Bon. Alors, est-ce que je peux rentrer gratos, premier banc? Est-ce que je suis assis? Y a-tu quelque chose, là? Est-ce que je peux rencontrer Bruce Springsteen avant le spectacle? Vous êtes qui, ça, monsieur? Mais, moi, c'est réel. Oui, mais Bruce Springsteen, là. Oui, mais je sais qu'il vous a pas parlé de moi, là. Il est très timide, Bruce, hein. Bon, depuis quelques années, on dirait qu'il est en burn-out, hein. C'est normal. Parce que je lui dis à chaque fois, je vais aller te voir, puis je vais jamais, puis là, il doit être dans sa loge. J'en dis, où il est Rénal? Born in the river, il est dans sa loge comme ça, là. Il dégénère. Il se décapite, là, l'esprit. Et puis, c'est pour le sauver, moi, là, parce que, depuis quelque temps, Bruce Springsteen, là, j'ai plus le temps. Il y avait Tom Waits hier. Il y avait Alain Lemaire. En tout cas, il y avait des grands chanteurs, chanteuses, là, qui m'ont appelé. Sophie Marceau, l'actrice, là, pour la repomper, elle m'a dit, viens me voir. Mais là, je ne suis pas qu'un objet, chérie. Je suis un animateur aussi. On peut pas m'acheter. Mais on peut me louer. Rénal Québec à commercial@hotmail.com si vous voulez me louer. Rénal Québec à commercial@hotmail.com si vous voulez me louer. Et lequel? Rénal Québec à commercial@hotmail.com si vous voulez me louer. Me louer. Laissez sur la chose. Laissons les chaussons. Ah oui, c'est ça. Tranche de steak très mince. Grosseur d'un hamburger. Oignon cru. Arrête de le dire. Oui, cru. Oignon cru. Un autre couche de hamburger. De steak haché. Attention! OK, excusez-moi. Steak haché. Oignon cru. Steak haché. Fromage. Steak haché. Fini. Papier d'aluminium, entouré de papier d'aluminium. Mettez ça au four 350 pendant 35 minutes. Préparez vos pains, OK? Quelques minutes avant. Moi, je dis à peu près 5 minutes à 350. Et tout est prêt. Ça va vous faire un super mets. Appelez-moi, félicitez-moi, lapidez-moi, dites-moi quelque chose, si vous pouvez parler après. Merci. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure éthique et réalité. Je tente de m'en éloigner. De quoi? De la réalité. C'est pour ça que je peux pas le dire. C'est un blocage, comme me disait Sigmund Freud. Qui? Sigmund Freud. Voyons, non, le psychanalyste. Je connais pas le psychanalyste, oui. Alors, appelons la dure réalité qui attaque. Réalité, je suis pas capable de le dire, c'est ça, hein? Sigmund, es-tu là? Sigmund? Il est pas là. Est-ce qu'on peut appeler? Non, on n'a pas. OK. On a déjà dépassé le temps. OK. Alors, nous avons ici Victoria Bedos. Victoria Bedos, née en 83, est une journaliste, dramaturge et scénariste française. C'est la fille de Guy Bedos et de Joël Berco. Victoria a été journaliste, je l'ai dit, à le supplément du Nouvel Observateur, aux Incorruptibles, ainsi que le magazine féminin Glamour. En 2012, Erance Rinaldine était là. Elle a aussi écrit un roman qui s'intitulait, je dois le dire quand même, sinon elle va me le dire. Comment elle va me le dire? Qui s'appelait Le Déni chez Plomb en 2003. Si vous voulez l'acheter, c'est un incroyable livre. Je l'ai lu avant de la rencontrer. Et elle fait aussi partie d'un groupe qui s'appelle Vicky Benjo. Et en juillet 2012, Erance Rinaldine était là. La preuve. It's a beat with no words at first, it's a blank painting. Exercising the mind is brain strength training. Starts off something like Shady's an insane maniac. Act, yeah, Slim Shady, that's a zany name, ain't it? Now all you need's an image to go with the name, baby. White beaters and white t-shirts, Hanes mainly, it's a long shot. But is it possible there's a lane, maybe? If not, he's gonna have to come and change the whole game, ain't he? He wants a fame so bad he can taste it. He can see his name up in lights, women screaming his fucking name, fainting. Shady did it, he sold out the whole Tang Stadium. Joe Schmo made it, he took his plain Jane lady and his baby Haley out the trailer. But he ain't trailing anymore, he's ahead of the race while maintaining his innocence. Little does he know, his train is derailing and he's about to be raped by this gay man, Alina. Operating on all cylinders, syllables spit like Tillinger, spilling your guts. People are filling your mic skills, but these haters are ice grilling you. Willing to sacrifice anything for the life that they might steal from you. Big friends will kill for you, die for you, but you can't decipher why for the life of you. It wasn't like this when you were ciphering. Argue with your wife again, she found Vicodin in your pants last night again. Your dispute's public, nothing is private anymore. Oh, and your best friend, say bye bye to him. What kind of apple you take a bite of, Slim? This is what you wanted, Marshall, ain't it? Fuck no, the way that it turned out was nothing like the picture that I painted in my head. Sometimes a dream of making it's more fun than it is to actually make it. The game stripped me naked, it robbed me of ever having another real relationship with another girl. This world is a fucking trip as I slip in another world. Proceed, take another hit, sniff till I fucking hurl. Tell them all to fucking sit and spin till they fucking twirl. Middle finger up again, relapsing back in this game. Oh well, fuck it then now. Et il me dit parfois, il me fait des remarques, il y en a qui sont très justes et d'autres qui sont pas justes parce que c'est C'est un décalage. Ouais, c'est un décalage par rapport à mon univers, à ma génération. À, ouais, ouais. Donc, mais la pub, mais il est très moderne encore dans ses romans. Ah, c'est ça. Alors, lui, les conflits des générations, c'est pas. Parce que c'est un mec qui est tout. Parce que justement, je crois qu'il s'est, il s'est rattaché à sa paternité pour ne jamais lâcher le fil de la modernité, en fait. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je fais un anniversaire, mon frère aussi, on mélange les générations. Okay. Mes parents sont là, mes potes aussi. Et j'ai des parents hyper modernes. Mes potes, ils adorent dîner avec mes parents, quoi. Ok, parce qu'ils ont des sujets quand même. Mais complètement, mais comme étant donné qu'il est obligé d'être au fait de l'actualité, quand ouais. Les revues de presse. Ouais, ouais, ouais. Mais hey, on peut dire au public qui est ton père quand même. Ah bon, ben moi je l'assume, moi je me. Oui. Ah, ouais, ben c'est Guy. Voilà. Ok, ouais. Ah, je l'assume. Alors après, justement, j'ai pris un pseudo parce qu'en revanche, je veux pas te pister. Ok. Ce qui fait que j'ai pris un pseudo sur scène, c'est Vicky Banjo. Oui. Ceux qui ne savent pas. En plus, c'est un groupe. Donc. Ouais, c'est un groupe. Donc, et puis je, par exemple, dès que tout ce que j'ai eu comme dans ma vie comme boulot, j'ai fait en sorte de l'avoir sans lui. Ouais. Parce que et sinon, sans l'étiquette aussi, l'étiquette est lourde. Hein. Après, l'étiquette, bon, je me la trimballe, donc, ouais. Sauf que de toute façon, c'est plus un boulet qu'autre chose. Parce que, c'est un boulet, oui. Bah, oui, parce que finalement, on a attendu au tournant. Ah ouais, oui. Ça rend paranoïaque, parce qu'on se demande tout le temps si les gens nous choisissent pour soi ou pour le nom. Et puis, finalement, si on fait mal le job, bah, on est éjecté aussi. Donc oui, peut-être la porte est ouverte, mais... Puis c'est toujours la comparaison qui est un peu. Et puis moi, j'ai un frère, hein, en plus, qui est connu maintenant. Oui, oui. Donc, mais t'es la sœur, mais t'es la fille. Finalement, je dis ouais, mais j'ai un prénom. Oui, c'est ça, et j'ai aussi une entité. Mais bon, mais après, c'est à moi de le prouver. En même temps, je comprends la réaction des gens. Elle n'est pas idiote. Mais lorsque tu écris, tu as sans doute l'idée avant de joindre les mots, ou si tu as les mots qui vont t'amener l'idée. Alors pour moi, c'est un truc qui est de l'ordre, en effet, de la magie, quoi. Ok. Mais c'est surtout des événements, comme l'histoire des muets, là. Oui, en fait, il y a des histoires qui attirent mon attention, des histoires qui sont souvent liées à une. Quelque chose de une anecdote dans la réalité, ouais. Quoi. Et après, je la travaille par mon prisme. Mais par exemple, là, le deuxième film que j'écris, c'est sur les animaux. En fait, je ne suis pas très naturaliste. Okay. C'est-à-dire que je préfère raconter des choses qui sont loin de moi, tout en y mettant totalement mon histoire. C'est-à-dire que l'histoire des sourds, en fait, la fille, c'est moi à 16 ans. Okay. Mais mes parents ne sont pas sourds, ils ne sont pas à la campagne. Mais okay. Du coup, je fais des paraboles qui sont très... autobiographique, mais personne ne le voit. Okay, en fait. C'est ça, c'est de l'autofiction personnelle parce que t'es seul à savoir. Voilà, parce que personne ne peut faire le rapprochement en fait, mais moi je sais. Okay. Et là par exemple, mon prochain film c'est sur une femme animale, au sens vraiment, c'est-à-dire qu'elle a été élevée qu'avec des animaux en Afrique comme, et elle revient en France. Et en fait, elle voit le monde à travers un prisme zoomorphique, c'est-à-dire à travers le comportement animalier. Un peu comme l'enfant sauvage de Truffaut. Exactement. Okay. C'est c'est un hommage à l'enfant sauvage de Truffaut, mais c'est version féminin. Plus moderne. Et féminine. Et féminine, exactement. Okay. You can even call me Cone. These bitches know as soon as they saw me. It's never me to get the privilege to know. I roll like a desperado. Now I'll never know where I'm gonna go. Still I fall like there's no tomorrow. Until it's over and it's all she wrote. Staring straight into a barrel of hate. Terrible fate, not even a slim chance to make a narrow escape. Cupid shot his arrow and missed. Wait, Sarah, you're late. Train left, mascara and egg smear on your face. Night's over, goodbye. Oh, I thought that I told you that spilled nut ain't nothing to cry over. Never should've came within range of my rover. Should've known I was trouble soon as I rolled up. Peachy coos coming up after I pine fold up. She still come back to the crib, must want me to mess with the mind. Hold up, she must have me for some high roller. When I won't buy soda, less it's rock and ride cola. Buy you a bag of Fritos, I would've let you eat the fucking chip on my shoulder. If you was bleaching, I was hair, I wouldn't die for you. Trying to pull $5 from me is like trying to pull five molars. You get your eyes swollen, palm on my straight grizzly. So why would I buy you a gay ass teddy bear, bitch? You're already bipolar. Now I don't even care what you call me. You can even call me Cone. These bitches know as soon as they saw me. It's never me to get the privilege to know. I roll like a desperado. Now I'll never know where I'm gonna go. Still I fall like there's no tomorrow. until it's over and it's all she wrote. She told me on this whole tip, best tip I could give you to hip you is never to let these tricks trick you. Mighty ambiguous of you to think I love you, slut shit, dig you. Ho, take the shovel and dig you some dignity, bitch. Shit, you talk about some advice that sticks with you. If I should listen to anyone tell me to stick to my guns, like double stick, it's you, a fucking tip, it's cool. I'm chilling like a villain, like the penguin in this fucking igloo eating fudge sickles. I'd rather slip and fall and shit than fall in love with you. Before I tie the fucking knot, I'll tie you and run. Bitch, you think this is some Nintendo game? How fucking dumb is you? I give you some lumps before I split some lump sums with you. So here's a penny for your thoughts, but it won't buy you a cheeseburger. But a nickel might just get you one pickle. Fuck it, it's official, so blow the whistle. I got a trust issue, there's a bombshell. Scud missile, I got this cuss at you to fucking cuss at you. Like before I rapped, I was some motherfucking stud. Slut, this'll teach you not to come drunk, stumble in my way. Bust shizzle, I still live like a budget at Gilbert's Lodge, check stub. Bizzle, so fuck sizzles, just check as a boss, like a blood blister. I don't even care what you call me. You can even call me Cole. These bitches know as soon as they saw me. It's never me to get the privilege to know. I roll like a desperado. Now I'll never know where I'm gonna go. Still I fall like there's no tomorrow. Until it's over and it's all she wrote. Life is a bitch, ain't it, Tip? And each one thinks say this shit. Shirt off my back, I wanna give you the dirt off my handkerchief. I'm giving these hoes a dose of your mess and let them get a good taste of it. I'm sure you got that relationship memo by now, but in case you didn't, I stick this so bad for the sticky nose to your forehead and staple it. Life is too short and I got no time to sit around just wasting it, so I pace this shit a little bit quicker. That clock I'm racing it, double time in it, but I still spit triple the amount of insults in a tenth of the time that it may take you pricks to catch on. Why you strong arm like Stretch Armstrong? Man, I still say Kmart's like there's an apostrophe, yes on it, dawg. Say McDonald's is in a restaurant, well I guess I'm wrong. But if you're gonna tell me that A&W ain't the spot for the best hot dogs, you can get the F on, dog. I don't really care what you call me. You can even call me Cole. These bitches know as soon as they saw me. It's never me to get the privilege to know. I roll like a desperado. Now I'll never know where I'm gonna go. Still I fall like there's no tomorrow. Until it's over and it's all she wrote, all she wrote, all she wrote. I said it's over and it's all she wrote, all she wrote, all she wrote. Yeah, good night, it's over and it's all she wrote. We'll be right back. Kate Kuna, chanteur majeur dans l'univers underground. J'aimerais bien qu'il m'enseigne un peu la prononciation de son nom, parce que je le massacre sans doute ce soir. Citation rénaldienne, pas de nouvelles, pas de poubelle. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire, là. Peux-tu me le répéter? Pouvez-vous ne le répéter? Voulez-vous que... Oui, voulez-vous... Voulez-vous, bergère, que je te chante cette chanson? Voulez-vous... Non, toi, tu vous vois en même temps? Ben, c'est la communication entre le vous et le tu. Voudriez-vous tu, s'il vous plaît, monter le son? Ça se dit pas. Voulez-vous chanter, grand-mère? Voulez-vous danser avec grand-père? Citation rénaldienne. Pas de nouvelles, pas de poubelle. Là, ici, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Là... Oui, hello. Oui, monsieur poubelle. Oui, hello. Vous avez inventé la poubelle, vous? Oui, hello. Est-ce que c'est la poubelle du monde? Oui, hello. OK. Il est pas là. Comme beaucoup de personnes sur la planète. Écoutez bien ça. Oui, hello. Il est absent. Monsieur Poubelle, c'est où? Oui, hello. Il y en a-tu comme ça? Il y en a trop. Ça peuple. Ça marche. Le pire, là, tout ça, ça peut bien marcher, ça peut parler, ça peut discuter à la radio. C'est moi! Mais... Ça ne doit pas voter, monsieur le tripidant. C'est complètement irresponsable. Vous devriez, monsieur, offrir un formulaire de 3 questions, pas 20, pas 50, 3 questions fondamentales, là, trouvées par des philosophes, des psychologues, des Je dégonfle, madame Tremblay, je dégonfle, hein, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer. Je suis comme une mongole fière. Mais plus je suis mongole, plus je suis fier. La Mongolie, avec ma chérie, c'est beau. La Mongolie, ma chérie, nous irons tout autour d'elle. Mongolie, la Mongolie, oui, elle. Non, excusez-moi, je fais la conjugaison en direct, c'est la grammaire. On m'a déjà classé dans un gars là. Pas le gars là, mais un gars là. Non, c'est un gars là. Un gars là. On m'a classé dans un gars là. Comme l'émission francophone, comme la meilleure émission francophone. Mais j'étais devant les routes enchantées. Oh, mon Dieu. C'est quoi? C'est désastreux, Monsieur Tremblay. La vie est là, tout près de moi. Mais merci à ceux qui m'ont présenté là. En fait, ils ont vu l'émission, là. Dans quoi on le classe, celui-là, là? Dans les concombres, les brocolis, les choux-fleurs, les tomates farcies. Les trop farcis, les endurcis, les coco-pépis, les coco-nini. Mais qu'est-ce qu'il dit, dis-donc? Ah ouais, donc, Bukowski, ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Je me suis dit, on frappe à la porte. Et j'ai regardé le réveil. À peine 13h30. Bon Dieu! C'est ma meilleure interprétation. Oh, vous avez étudié, monsieur Gagné, pour amener quand même dans votre façon de faire une interprétation des plus convaincantes. Écoutez, je suis automatiquement résolu à mon intelligence primaire. C'est-à-dire que... Je ne sais pas, je n'ai jamais su, je ne saurai jamais. En fait, l'incertitude fait partie de mon existence et s'était lancée spontanée. Donc, si c'est un trophée au Goldman, en tout cas, si vous m'offrez, en tout cas, En tout cas, merci beaucoup. Puis je remercie pour ce prix Mme Thibodeau d'avoir voté pour moi, M. Tremblay d'avoir voté pour moi, tous les membres de CKRL et les dérivés. Et puis, les dérivés, c'est qui les dérivés? Bien, c'est les dérivés, là. Les gens qui connaissent les gens, qui ont dit qu'aux gens. Ah ouais, mon petit Jean, puis petit Jean Carignan, et ouais, Jean Valjean. Oh mon Dieu Seigneur, Jean Valjean. Alors, on va continuer sur l'improvisation, parce que là, c'est bien les remerciements, là. Vous êtes un grand comédien. Merci! J'ai déjà, bien sûr, contemplé l'œuvre de Baraski. Non, c'est Bukowski. Non, Baraski, le juif errant de parte grecque, aux cheveux aux quatre vents. Celui qui dit « Je viendrai, ma douce captive, ma source feuille, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans, et je ferai, et je serai prince de sang, rêveur ou bien t'adolescent. » T'adolescent? Est-ce qu'on peut regarder dans le dictionnaire « t'adolescent » Oui, comment vous écrivez ça? Ben, « t'adolescent », tata, dodo, lélé, sansan. Ça fonctionne pas. Tata, dodo, lélé, le sang, oh mon Dieu. Sang, oui, mais tata, dodo, lélé, ça, il y a juste sang qui fonctionne. Ben voyons donc, tata, dodo, lélé, ça sent, ben non, tata pour tata, dodo, le sang, tata, dodo, ben non, ça fonctionne pas. C'est écrit nourrisson, bruit du nourrisson, oh mon Dieu. Veux une bouteille de lait. Moi, je veux une bouteille, mais pas de lait. Une bouteille de quoi? Ben, une bouteille lancée à la mer et qui dit, rappelez-moi, s'il vous plaît. Je suis qu'un colporteur d'illusions, un fanfaron de sensations. Et puis là, comme disait Bukowski, je me suis dit, on frappe à la porte. Et j'ai regardé le réveil, à peine 13 heures. Bon Dieu! Tu parles d'une heure pour réveiller un écrivain comme moi, de ma trempe. Hier, j'ai dû bosser dans un autre milieu beaucoup moins intéressant. J'étais je travaillais dans la boucherie. J'ai tué 3 porcs. Je les nommerai pas. Mais si vous cherchez Jean-Claude, Jean-Marc puis Simon, ils sont plus là. On les a désossés, on a fait du steak haché. Ah, c'est bon, dans de la sauce à spaghetti. Lâchez la sauce, Madame Tremblay, oui. Il me semble que ton steak, ouais, c'est Simon qui est là-dedans, là. Enlève le gras. OK. Enlève la sauce, oui. Enlève les cheveux. Ben voyons donc, on a dépecé le mec. On a tout enlevé. Les os, il reste juste la chair et le sang. Ben, le sang, on va faire du boudin. Quoique Jacqueline en fait depuis 50 ans. Hein? À boudin, boudin. Ça, c'est sa marque de commerce. Hein? Quand on la voit sourire, on dit, voyons donc, elle est crispée. Elle est bizarre. On va l'amener à l'hôpital. Là. Crise cardiaque. Ah non, non, je suis heureuse. Ben voyons donc, 50 ans, jamais heureuse. Toi, là, maintenant, tu l'es. Ben oui, j'écoute une émission totalement débridée. C'est laquelle? C'est celle-là. Quelle, ça dit? Nommez-la. Non, je peux pas la nommer. Je ne fais pas partie des délateurs. Mais vous êtes pas un délateur. Voyons donc, madame, vous êtes pas une délateur. Vous êtes une femme qui appréciait la variété. Ah, c'est très avarié, le steak haché. Après 2 semaines, ça sent le moins. Oh, mon Dieu. Moi qui mets du je m'en mets. Et puis, ben, je m'en mets. Et puis, je m'en mets tellement que c'est une crème. Quand je veux dégorger le tout, oui. Je peux pas dire le reste parce que les gens vont dire c'est épouvantable. Et puis, il faut terminer avec la phrase de Bukowski qui dit « quartier des aimes, monsieur ». C'est quoi ça? C'est de la pluie. Non, c'est de la salive. Hey, le peuple sait très bien que cette émission-là, c'est rempli de postillons, de fripons et de petits cons. Je tiens à dire que le petit con, là, c'est moi. Mais non, c'est pas toi, c'est... Ah, moi, je suis un large con. Un large con. Oh, comme on les aime, monsieur. Toasté, rôti, laitue, mayonnaise. Puis, excusez-moi, là. Juste un petit peu. Un petit peu de ketchup. Yeah. désir dans ça que j'arrive à lire. Mais arrête avec ça, il n'y a que toi, toi, toi. Dans deux mois on se fiance et je ne te fais pas confiance. Bah oui, j'attire les hommes, c'est pas de ma faute si je suis bonne. Pourquoi tu te fais si belle? Cette robe te va à merveille. C'est pour parler boulot, je veux gagner le gros lot. Me prends pas pour un con, tu accordes vos violons. Calme-toi mon amour, je trouve ce tout très très lourd. Je t'aime, sois pas jaloux de ce mec là. Oh. Je t'aime, donc je suis jaloux, c'est comme ça. Je t'aime, sois pas jaloux de ce mec là. Je t'aime, donc je suis jaloux, c'est comme ça. Il est 3h du mat, raconte-moi vite, j'ai hâte. Tu es si susceptible, si pénible et prévisible. Est-ce qu'il t'a fait l'amour et sans labeur et sans labour? Tu dis n'importe quoi, je ne suis pas celle que tu crois. Je t'aime, sois pas jaloux de ce mec-là. Oh. Je t'aime, donc je suis jaloux, c'est comme ça. Je t'aime. Sois pas jaloux de ce mec-là. Je t'aime, t'en suis jaloux, c'est comme ça. Oh là là, tu souffres, hein. T'as mal. Allez, à vous, dis-moi. Mais je ne pensais qu'à toi. Je voulais t'épouser. Mais j'ai besoin de séduire. Et des écules butées. Dans tous les sens et pour te fuir. Je t'aime, sois pas jaloux de ce mec-là. Oh. Je t'aime, donc je suis jaloux, c'est comme ça. Je t'aime, sois pas jaloux de ce mec-là. Oh. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et tous ces projets-là, est-ce qu'ils aboutissent? Est-ce que le scénario est écrit Alors, le premier sur les souris, oui, ça c'est écrit, ça, mais c'est très loin. Hein, là, ils sont en train de chercher un réalisateur parce qu'ils veulent un gros réal. Et c'est qui ta maison qui travaille avec toi? Alors, c'est une coproduction entre Eric Gelman, Jericho, et Mars Film, qui est un gros distributeur en France. Alors, vous avez déjà l'argent? Vous avez l'argent? On a... Bah, après... Il faut trouver des financements, mais en tout cas, c'est une très jolie configuration de production. Et les comédiens, est-ce que ce sont déjà... Bah, ils ont déjà des idées. Alors après, moi, je sais pas si... Ils pensent à Shabba et Kanya, au départ. OK. Mais après, pour jouer des sous, hein. Oui, oh, donc, oui. C'est, voilà. Oh, oui. Mais ouais. Après, c'est leur tambouille. OK. Et toi, tu écris le reste, c'est leur... Oui, alors après, si ils ont pas un gros réal qui porte le film... Mm. Ils pensent à une coproduction, une coréale entre un réal moins connu mais très technicien et moi en direction artistique. Mais parce que après je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'intéresse, surtout que le film je l'ai dans les tripes, quoi. Je l'ai coécrit, avec Stanislas Karen Malberg, mais c'est vrai que ça, c'est moi qui ai apporté l'idée, c'est mon univers. Et ça a pris combien de temps? Ça fait 2 ans, je sais pas si tu te rends compte. Mais est-ce que c'est énorme. Toi qui es arrivé avec les premiers? C'est moi qui suis arrivé avec l'idée. Okay. Et c'est lui qui joue sur les dialogues ou si c'était... Ou si c'est... Alors, en fait, non, lui il est plus sur la structure parce que justement c'est un scénariste professionnel. Okay. Moi j'ai créé l'univers, donc les personnages, et puis l'ambiance et un peu la grosse trame en fait. Okay. Et ensemble on a créé la colonne vertébrale et après lui il était plus sur la structure et moi j'étais plus sur les dialogues. Il codait sur la scénarisation tandis que toi t'étais beaucoup plus littéraire. Ouais, exactement. Ouais, okay. Et les dialogues, en revanche je suis dialoguiste et ça c'est vraiment c'est mon truc quoi. Et ça s'entend. Ben, ça doit s'entendre, c'est... Bah, c'est-à-dire qu'après, j'ai une patte de dialoguiste. Okay. Et en France, dialoguiste n'est plus un métier. On est obligé de tout écrire. Ouais. C'est pour ça que j'ai dû me faire aider par quelqu'un qui avait la science du scénario, ce que je n'avais pas. Mm-hmm. Puis ça se présente mieux aussi auprès des producteurs. Ça reste une technique. Hein, oui. À part si on fait un film un peu ovniesque. Mm-hmm. Là, ouais. En l'occurrence, c'est un film qui se veut populaire au sens beau du terme. Okay. Mais voilà. Mais le deuxième est écrit ou est en... Il est en cours d'écriture, okay. En fait, parce que je viens de terminer le premier, donc j'enchaîne sur ce deuxième, et là on en est au tout début, on en est ce qu'on appelle au traitement. Alors vous en avez encore pour une année et demie? Ouais, okay. C'est ça qui m'angoisse. Oui, oui, mais est-ce que des vacances... À l'avance. Oui, mais est-ce que... Effectivement, c'est... Est-ce que des vacances avec toi ou jamais de... Bah quand on est artiste, il n'y a pas de vacances, après oui, mais cercle là je vais partir... Mais tu aimes ça, le cercle, le côté effréné. Ah, j'adore. Le soir, c'est des soirées, la musique. Après, on retourne à la création. J'adore. Puis, okay. Mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin du côté musique, groupe, du ouais. Son, de la vie. Et solitaire pour l'écriture. Et le moment solitaire de l'écriture qui, ça calme un peu. Et tu te reposes à quel moment là-dedans? Moi, je dors un peu, mais je dors okay. Très peu. Mais... Ben, pas beaucoup, hein? Parce mais que non, je t'ai envoyé un truc assez tard. Puis... Ah non, mais je dors très peu. OK. Ben, bon, c'est comme ça. Après, j'ai des coups de barre dans la journée. Mais t'es jeune aussi, là. À 50 ans, je crois pas que tu vas... Non, mais je dors... J'ai des phases, en plus. Il y a des phases d'espèce d'excitation où je dors plus. L'adrénaline est au maximum. Et après, j'ai envie de dormir tout le temps. OK. Mais l'été, c'est beaucoup plus vivace. L'hiver, on est un peu plus... Ouais, l'hiver, moi, j'hiberne. Je déteste. Il fait trop froid ici. Ben, viens pas à Québec. Non, mais Québec, oublie, hein. the game. We stole too much. Let's get. No, I don't need you now. I never need you before. No, I don't need you now. Yeah, I don't need you. Anna, tu me manques. L'amour à la papa, l'amour à la papy, l'amour, on n'en peut plus. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Hey, mon Dieu, qu'est-ce que t'as écrit là, mon Gaétan? Écoute, c'est la première fois que tu me demandes de faire une improvisation. Oui. Je n'ai pas écrit de mot. Pourquoi? Pour m'improviser un mot. Oh, OK, même dans le mot, tu veux improviser la totale. Moi, je suis dans la totale. OK. Alors, vas-y, mon Gaétan. Bonjour, je suis Gaétan Golette. Non, un peu moins fort. OK. Bon. Allô, je suis Gaétan... Non, pas fort. Bonjour, allô. Bonsoir, bonne nuit. À la prochaine. Non, vas-y, Gaétan. OK, je suis Gaétan... Oui, pas trop fort, mon Gaétan. Allô? Oui, c'est bien. Je suis Gaétan Golette. On le sait que t'es Gaétan Golette. Voici ma Golette. OK, je suis ton Gaétan. Oui, et ma Golette. Je suis ta Gaétan, oui. Je suis Gaétan Golette. OK, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Hier, j'ai fait mon arbre. Mon arbre? Généalogique. Ah, mon Dieu, et puis? J'ai ascendant creton. Pas ascendant creton. Ouais, moi, j'étais ballonné hier, moi, là. Ben oui! Puis là, aujourd'hui, on m'a dit que j'étais ascendant. Ascendant qui? Ascendant, mon Dieu, c'est ascendant fromage fondu. Là, j'ai dit, vais-tu tomber dans salade de chou? Puis? Non, ils m'ont dit, c'est du macaroni. Oh, macaroni à la viande. Avec? Avec de la crème. Crème? Crème sautée. Sautée? Comme Gaétan. Gaétan est sauté? Sauté par-dessus cloche. Mmh. C'est une expression totalement. Ça va bien. Non, mais c'est parce que je tiens à te dire que ton improvisation, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça? Ben, il faut déjà avoir une mise en scène. Ben non, c'est totalement libre. Oh, mon Dieu. OK, ça, c'est comme un petit oiseau que tu as placé en cage pendant 25 ans. Ça vit pas 25 ans, l'oiseau. Peux-tu faire une recherche sur Gargle, ma belle Ghislaine? Quel oiseau? C'est vrai, quel oiseau? T'as-tu un oiseau, toi? Ben moi, j'ai le Sibérie babouin. Ben non, c'est pas un singe, ça, là. C'est comme le rikikikiki là, du monsieur du début de l'émission, là. Un oiseau. L'autruche! Hey, est-ce que l'autruche est un oiseau? Bonne question. Avez-vous un ordinateur? On n'a pas de platine ici. C'est quoi? C'est du numérique, c'est de l'audio. Il n'y a pas de vidéo, pas d'image. Quoique, on est capté par l'œil de Didier Beauvrant à la caméra première. Solange Raymond à la deuxième caméra qu'on ne voit jamais. Et puis la troisième qui est subjective et intellectuelle. Dans mon hémisphère droit. Comment? Hémisphère. Hémisphère, c'est en arrière. En arrière de l'œil, c'est quoi? C'est la paupière? Mais moi, c'est avant la paupière. C'est l'oripaupière. Ah, mon Dieu, l'oripaupière, ça va bien? Ça va très bien? Je clignote une fois par semaine, moi, là, pour savoir s'il y a une gouttelette d'œil qui va tomber. Non, c'est une gouttelette d'armes. Moins d'armes. Non, ils sont désarmés, ces yeux-là, là. Ah, non, il n'y a pas de pistolet. Non, une larme. Il pleut des larmes dans le vent. Non, c'est pas ces larmes-là. C'est bon, non, mais oui, c'est ça, c'est ceux-là. C'est les flocons du ciel qui tombent dans tes yeux et qui t'amènent des conjonctivites, des rougeurs, des balbutiements intellectuels. Et monsieur, quoi, un accouchement de sérénales? Oui. Pouvez-vous nous dire... Ah, c'est bon, ça. Pouvez-vous nous dire des sérénales, mon rénal? Non. OK, merci, à la prochaine. All she ever thinks about is love. bête. Mais non, mais alors, c'est Robert Charlebois, qui est un ami de la famille, qui est venu me voir sur scène au Trianon. Okay. Qui a craqué complètement sur mon groupe et qui arrête pas de me dire avec Lolo. Première partie. Mais non, mais viens c'est au Québec, quoi. Il y a plein de choses là-bas. C'est vrai. Et en fait, je rêve d'aller là-bas parce que vraiment, j'adore Robert et Laurence. C'est vraiment. Oh, pour moi, oui, c'est des. Oui. Ils sont charmants, quoi. Effectivement. C'est et là, c'est, ça a été un peu. Pour moi, je jouais devant lui. C'était ma première est-ce grosse scène. Est-ce que tu le savais avant? Oui, il m'avait dit qu'il venait. Okay. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Oh! J'étais comme ça, il y avait toute ma famille, tout ça. Mon premier vrai concert à 5, parce qu'on avait vraiment changé de structure. Donc pour nous, c'était notre acte de naissance. Et le faire devant Charlebois, bon, c'est quelque chose quand même. Tu l'as reconnu grâce à ses cheveux, ça? Ouais, je l'ai vu de loin, j'ai bon là. Oh non, pas le friser. Alors, et il a adoré. Ah ben, c'est touchant. Et assez sincèrement, parce qu'il m'a dit en plus, je vais te piquer tes musiciens, ils sont trop beaux et tout okay, ça. Donc, ah, c'est bien. Écoute, si tu les payes, prends-les. C'est un gars totalement ludique. Ah, il est super. Ah ouais, ouais, c'est. Elle aussi. Et du coup, il m'a proposé plusieurs fois. Et ça fait plusieurs fois, même parce qu'on a un groupe de sur Facebook, des gens qui. Il y a plein sur, de gens. Ah, c'est sur MySpace aussi, je t'ai vu ça. Alors, MySpace, on l'a complètement abandonné. Okay. Donc, si tu veux voir, c'est Facebook, Vicky Banjo, la page. Mais là, tu vas Vicky m'envoyer Banjo. Le lien pour ouais. Les chansons, ok. Et sur SoundCloud, on a, parce qu'on a, pas, on a fait un EP qu'on a autoproduit, mais on l'a pas encore sorti parce qu'on attend de. D'avoir la bonne structure en fait pour ne pas se planter parce que sinon on sort un EP pour sortir un EP ouais, ça ouais, sert ouais, à rien ouais, en fait ouais, ouais. Donc, il faut avoir une bonne carte voilà ouais, ouais, ouais. Mais en fait ce qui peut te ressourcer c'est à la fois la littérature à la fois la musique à la fois j'aimerais bien écrire un autre livre mais je l'ai pas en moi encore okay. Ou des nouvelles non bah de toute façon je préfère le long métrage c'est trop long pour moi ouais, mais ouais, c'est juste deux ans dans une vie alors que cool. Les chansons les nouvelles il y a un côté instinctif premier jet ouais j'aime bien ça mais combien de temps tu prends pour écrire une chanson une chanson ça peut prendre 2 minutes enfin ça dépend alors après 2 minutes en fait il suffit d'avoir une phrase et Pierre Perret prend 10, 15 ans, 20 ans mais après Brassens, connaît des années, hein. Mais toi il faut que ce soit instinctif il faut que ce soit direct. Après, je peux la retravailler, je change les phrases et tout ça, elle évolue après aussi. Parce que par exemple, les premières chansons que j'ai écrites, c'était que pour ma gueule. Et comme maintenant, on est en duo, j'ai dialogué. Okay. Donc, on chante à deux. Lui, il a une très belle voix un peu de crooner à la Elvis Presley. Moi, j'ai une voix plus acide. Oui. Et donc, les deux voix se mélangent très bien. Un peu comme fait. Gainsbourg faisait avec Burkin. Complètement. Okay. Okay, alors, c'est plus chanté. Okay. J'ai moins de filets de voix, j'ai une voix plus poussée et lui il a vraiment une très belle voix. Et donc voilà. Et l'osmose va bien ensemble. C'est des timbres qui se mélangent. Okay. Voilà. Et alors on n'est pas du tout ensemble dans la vie, mais on fait croire qu'on est ensemble parce que c'est un vrai couple sur scène. C'est comme les White Stripes, hein? Oui, c'est ça. Mais c'était. Je crois que c'était vrai, moi. Je sais pas, en fait, ils ont dit que c'était frères et sœurs après ensemble, non, après cousins, après. Je crois qu'ils étaient parce vraiment ensemble. Parce que je les ai vus s'embrasser sur le DVD. Fait que c'est rare que j'embrasse ma sœur comme ça, moi. Personnellement. Moi, j'ai jamais embrassé Banjo, mais. Non, mais chacun ses trips, hein. Chacun peut. Il y a mon mec sur scène. Oh, oui, c'est non, ça, il te surveille. Et alors, c'est marrant parce qu'il est positionné de telle sorte que quand je parle à Banjo, et c'est souvent des mots d'amour, et de c'est cul, lui. Et je peux le regarder en biais comme okay. ça. Ok, puis les gens ne voient que du feu. Oui, c'est ça. D'un autre siècle. pas à faire de liberté, aucune frontière, sans limite et sans tabou. C'est le vertige, j'en deviens fou. J'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'armée monstre de Powells, vint une vision dans l'eau de Cels. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté. C'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guérin dans les cheveux. Chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses poignets, agitant ses grelots où elle avança et prononça ce mot Almeria. We'll be right back. 10 questions à te poser. Oui, bien et, sûr. Et j'ai mis ma petite feuille là parce qu'à force de les dire, si tu étais un liquide. Un liquide. Ah, du vin. Ok, lequel? On aurait pu prendre un rosé. Ah ben moi, je suis une grande alcoolique. Mais j'ai... Non, je suis une grande alcoolique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je suis alcoolique et c'est magique », qui parle d'un magique. Couple, et c'est magique, okay. Qui parle d'un couple qui peut s'aimer que alcoolique, que okay. Un peu pompette. Ok, sinon, ils s'endurent pas. Sinon, comme ils n'arrivent pas, ouais. Ils n'ont pas de désir l'un pour l'autre. Donc c'est une chanson là-dessus, qui est pas du tout sur l'alcoolisme. Ah, non, c'est non, plus non. Sur comment arriver à s'aimer sans paradis artificiel, en gros. Ok, et dans cette chanson-là, c'est impossible. C'est quoi? C'est impossible. Ça, c'est impossible dans cette chanson. Non, c'est ça. Il faut quand même un peu alors, ce que je fais sur scène, c'est que je bois de l'eau et je fais semblant que je mets de l'eau dans une bouteille de vin vide. Okay. Donc, le public pense que je me bourre la gueule pendant tout le non, mais le pourquoi truc. Tu le fais pas? Mais parce qu'après, je flanche. Okay. Je ne suis pas Janet Joplin. Okay. J'ai des textes et si je commence à être trop pété, okay. Je bois un verre de vin avant de monter sur scène. Ouais, pour mais, décompresser. Ouais, pour chauffer la voix, pour décompresser. Du rouge, hein? Du rouge. Okay. Le blanc, c'est pas bon parce que ça, c'est acide. Okay. Il n'y a que le rouge, en fait, qui est bon pour la voix. Okay. Donc, qui enrobe les cordes vocales. Voilà, et, voilà, okay. Donc, et dans le clip qu'on a fait, Je suis alcoolique, on peut trouver sur Internet, je prends un bain de vin. Et c'est quoi? Je suis comme non, ça. Non, en fait, mais c'est quoi le... Ah, je ne dirais pas. Hein? Il faut que les gens croient que c'est du vin. Du jus de raisin. Ok, admettons. Non, mais ça doit faire une belle peau, hein, du jus ouais. De raisin, je sais pas. Mais du vin, encore mieux. Hein? Du vin, c'est mieux. Ah oui, mais du champagne. Mais même le champagne, moi, mais c'est... Mais vous n'avez pas le budget pour le champagne. Non, mais surtout, en plus, après, on rentre sur scène. Oh, non, mais c'est le clip. Non, on n'avait pas le budget. Ok, non, c'est ça. Mais, ouais. Mais moi, le champagne sur scène, c'est pas possible parce que sinon après. Oui, c'est... Oh, il est rond. Ben oui. Oui, c'est vrai. Et en pleine chanson, tout d'un coup, t'as un petit. Bon, c'est pas très élégant. Il y a un petit filament de. Ah, puis, voilà, c'est ça, tu fais comme ça. Bon, je sais pas si ça passe. Bon, mais c'est comme c'est humoristique, ça peut passer comme une blague. Oui. Ah, c'est bon. Si tu étais une ville. Ben je c'est comme une bière, ne jamais prendre ah, de non, bière. Ah non, mais jamais! Oui. Les musiciens, tous les musiciens, ils sont à la non, bière, mais même moi à la je radio, chante, moi! Oui, mais à la à radio, la radio on, ben tente, oui. On tente de prendre une petite gorgée de bière, puis oui, c'est criminel. C'est... Alors, une ville, ouais, une ville. À Paris, en fait, je suis une très piètre voyageuse. Ok. Et je suis quelqu'un d'habitude. C'est terrible, mais j'aime. Mais c'est beau, Paris. Et j'adore avoir des habitudes. C'est-à-dire okay. Que j'aime aller. Avoir ton café, ouais. Avoir l'endroit. Dire, salut machin. Oh, ça va Roland? Bah oui. Et en même temps, me mêler tout d'un coup dans la masse et être anonyme. En fait, okay. Paris me permet ça. Alors, et... dans ton quartier, tu es connu, mais en dehors, comme ici, t'es. Ah, la personne me connaît. Ouais, non, non. Et j'adore ça aussi. Ok. Donc c'est pour ça que j'aime bien. J'adore Paris, puis c'est vrai que je connais pas grand... J'ai très peu voyagé. J'ai peur mais... de faire une valise, par exemple. Ok, mais as-tu peur de prendre l'avion? Pas du tout. Ok. Alors moi, je m'endors au moment où ça décolle. Ah, oui, je me réveille au moment où ça atterrit. Ah, mais là, t'as oublié le lunch là-dedans. Fait que, tu sais, parce qu'on sert le lunch, donc t'étais pas là. Oui, généralement, je dors, en fait. Oui, ouais, mais ça coûte pas cher pour la non. Compagnie, c'est merveilleux. Il faudrait avoir des gens juste comme toi. Oui. Si tu étais une langue... Ah, une langue... Ah, ben, je serais la langue des signes. Ah oui, ok. C'est une très jolie langue, c'est une langue très poétique. Est-ce en fait. Que tu la connais? Ben, je... Non. Alors... Pour le film... Brings a thousand eyes. The red men come again. They kill my children and they kill my wife. And then they leave me bleeding. Finally dead, just freaking out, bleeding. Stoned in the gutter, empty of my color. I'm fried, fried, taken to the side. Body twitch from side to side. I'm fried, fried, taken to the side. The call-up sounds to the real indeed. But do you really want to know how we rode into freedom on whimsy and greed? And greed said your time is over. I don't see any gallant calls. I don't see any sharp prefects. Reynard left and went to Warwickshire, to a mound near a railway line with canals and a freezing swamp. He climbs high up above the countryside and breathes freely. To the south he could see Polesworth, and to the north he could just make out the ruins of the priory where Joss and I played cricket as children. We were only 3 miles away, probably drinking tea and talking, at the same time as he was taking the Stanley knife out of the bag. He pushed the point into his stomach until the light shone right through. His father's not a sinner no more. Oh no. His father's not a sinner. And then he reached down and he took the bag. It's a plastic bag with plastic handles and plastic sides. And he fell in. Comment ça? Il était parti? On l'avait appelé à faire de la concurrence auprès de ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Non, ses beaux-frères. Et ses belles-sœurs? Non, jamais les belles-sœurs, parce que Michel Tremblay s'en occupe. OK, puis les beaux-frères? Il n'y a personne. Personne n'est sur cette affaire. Oh mon Dieu, alors donc? Il faut la développer. Jean-Luc, développe les beaux-frères. On va faire un succès de l'argent, on va s'arrêter, on va compter notre blé. Quoique le blé pousse dans les prés enchantés. Mais merci, monsieur. Et vous, êtes-vous enchanté de me rencontrer? Non, je ne suis qu'enchanté de rencontrer les prés. OK. Et les prés? Les prés ne sont pas heureux de me féliciter. Pourquoi? Ben, parce que c'est du blé, c'est pas du genre humain, là. C'est des végétaux, et les végétaux ne m'aiment point. Pourquoi? Parce que je les comprends, moi, là. Moi, quand je regarde un blé dingue, là, je dis, par crois-tu, toi, là, mon petit champion, que je suis plus intelligent que toi? Puis là, le blé dingue me regarde avec ses grands yeux de blé dingue, là. Puis il dit rien. Il me regarde. Puis moi, je le regarde. Je suis supérieur à toi, moi. Si je veux, moi, là, je peux te manger, mon espèce de blé dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est pas lui, c'est le vent. Le vent s'en mêle, il brosse dans le blé dingue. Puis après, ben après, je me sauve, j'ai peur. Hein? Hey, imagine-toi si je me fais courir par 50 pieds de blé dingue. Je vais devenir dingue. Ben, tu l'es déjà. Ben oui, parce que j'ai déjà eu... Excuse-moi si je répète souvent les mêmes mots, là. Oui, je me croirais à la radio commerciale. Mais c'est pas ça. Non, t'es dans la communautaire. Oui, je suis dans le communautaire. Je m'en excuse à tous les auditeurs et auditrices qui regardent leur grammaire, leur grévisse, pour vérifier s'il y a des manquements à mon langage. Oui. Oui, quoi? Oui, j'ai des grévisses. Oui, il y a un manquement à mon langage. Détournons encore une fois la réalité. Survolons la déraison et l'incohérence comme seul votre déboucheur de paradoxes sait le faire. Les colons, détachons-nous de tout principe de cohérence avec cette inspiration novatrice. En fait, c'est une citation de quelqu'un de bien connu que je vais lancer maintenant et je tenterai de trouver quelque chose là-dedans pour vous pour me distraire. Ben ouais, mais si toi tu te distrais, ben j'espère que le public aussi le feront. Moi, je demanderais de frire à 350 degrés, pas encore des recettes. Oui, ben non, malheureusement, oui, peut-être. Quoique, il y a 2 ans, je faisais des drinks. Des compositions de drink. Là, j'avais des appels parce qu'on me disait, c'est pas 2 onces, c'est 2 onces et demi, c'est pas 3 onces, c'est 4 onces, puis c'est la bouteille au complet. Qu'est-ce que tu connais dans le drink, toi? C'est moi le barman, là. Là, ben, j'ai décidé, d'après ça, de faire des petites cuisines, là. Des hamburgers, des chiens chauds, des frites avec de la sauce et du fromage appelé poutine. Poutine, ça va bien? Ça va très bien. Moi, la Russie va bien. La poutine se décompose sous le fromage chaud. Non, c'est le chaud. C'est le liquide chaud. La sauce brune. La sauce brune se rougit lorsque surgit le fromage chaud. Le fromage est pas chaud. Le fromage est tiède. C'est la sauce qui est chaude et qui ramollit les grains de fromage appelés crottes. Oh mon Dieu. Ça donne le goût d'en manger. Quoi? Du fromage? Mais des crottes. OK. Alors, le style, en fait, c'est pas le style, c'est la cohérence de cette citation. C'est le style de la structure sont l'essence d'un livre. Les grandes idées ne sont que foutaises. Attendez, là, on va s'arrêter là, là. On prend une respiration. Est-ce que je peux expirer? Dans 15 minutes, il y aura l'expiration. C'est écrit en 2013, là. Janvier 2013, si tu t'expires pas, là, tu seras pas bon. Je suis pas très bon, moi, là. Ça fait 2 semaines que je retiens mon respire. Ça va bien? Ça va, non. Je sens mon cerveau qui explose. Mes cellules qui pétillent. Mon auriculaire qui descend. Puis ma voix qui s'absente. Avez-vous appelé le professeur? Pour l'absentéisme de ma voix. Ben oui, sinon, ils vont te coller. Qu'ils me collent, je risque de crever. Crever l'abcès? Le style, on revient là-dessus, là, la phrase de notre dramaturge, parce que je sais de qui est cette élancée narrative. Le style de la structure sont l'essence d'un livre. Les grandes idées ne sont que foutaises. Vladimir Nabokov. Quoi dire de plus? Eh bien, moi, étant un ancien, oui, de l'ancienne, oui, et de l'archiduchesse de l'archiduchesse, sont-ils chesse ou archichesse? Le style de la structure sont l'essence d'un livre, effectivement. Les grandes idées ne sont que foutaises. Nous sentons là l'extrémisme. C'est comme la jeune dame qui me disait, moi j'aime ça, moi, l'érotisme. Oui, ben c'est ça. Moi, je vois très bien que là-dedans, il y a une vérité, mais aussi quelque chose comme Gainsbourg de provocation. C'est Vladimir Nabokov, bravo, et puis j'adore cette vision. Quoique je ne la chapeaute point. Mais je l'ai souligné ce soir avec Victoria DeVos. Est-ce que c'est DeVos? Guy DeVos? Bedos. Je savais que j'allais le faire une fois dans l'émission. Je me suis concentré pendant des années. J'ai écrit dans ma main de Guy Bedos. Bedos. Victoria Bedos. Bedos. Là, dans un ramollement. Non, c'est un écartement. Un écartement de l'esprit. Oui. Ben, j'ai dit la mauvaise prononciation. Quoi? Un autre artiste qui se faisait valoir par son grand talent, son intellectualisation de l'esprit. Amando. Amen, ainsi soit-il. Ben écoute, devant elle, ainsi soit-elle. Pour des siècles, des siècles. Ah ouais, amen, amen, amen. Alors c'est Victoria Bedos. Ben oui, on savait, on savait. On voulait juste vérifier si tu étais dans la grande vision globale de l'esprit contemporain. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Sur le système, prends-moi le chou. C'est tout ce que j'aime. Pousse-moi à bout, fais-moi monter. Avant de le faire monter, Madame Tremblay, je savais que on avait coupé l'échelle au troisième étage. Là, ramène ça au sixième, parce que s'il monte, il va descendre là, très vite. Lui, il s'imagine dans sa tête, là, hein, je suis un cordonnier qui monte, qui monte, qui monte. Je suis un cordonnier qui monte dans les souliers. Puis moi, c'est des Doc Martens, là. Des bottes de Doc Martens. Ça a quoi? Ça a 6 trous. 1 trou, ça va. 3 trous, c'est descendu vers le bas, là. Alors, on s'excuse auprès aussi. On est toujours en train de s'excuser ce soir, mais surtout maintenant, là. C'est la fin. Puis les gens se disent, ouais, on sent la fin. Là. Hein? C'est quelque chose d'assez improvisé. Ben, comme toute l'émission. Hein? Un petit poulet. Bien cuit. Laitue mayonnaise. Pas de ketchup. Juste la friture. Très grasse. Et si sois belle. Belle était-toi. Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728120. Je t'aime, je pense à toi. Masochiste.